Bonjour madame, j'ai réservé une chambre pour une personne au nom de Lopierre par téléphone. Oui, Lopierre, vous avez dit L-O ? Non, L-A-U et Pierre comme une pierre. Ah oui, une chambre simple. Pour 3 nuits. Oui, pour 3 nuits. Et vous préférez une chambre avec douche ou avec baignoire ? C'est le même prix ? Non, la simple avec douche, c'est 60€ la nuit, avec baignoire, c'est 70. Bon, alors je vais prendre avec douche. Très bien. Vous prendrez le petit déjeuner ? C'est compris ? Non, le petit déjeuner est à 10€. Alors, je le prendrai demain matin. Pour les autres jours, je verrai. D'accord. Le petit déjeuner est servi de 7h à 9h30 dans la salle de restaurant. D'accord, merci. Voilà la clé de votre chambre. C'est la 108 au premier étage.